cours numéro 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Madha akhadna fi darsina al-akhir? Tafaddal. الابتعاد الابتعاد عن الحزبية وجماعات الإسلامية السرية. أحسنت. الابتعاد عن الحزبيات والفرق الضالة، لأن المؤمن يتأثر بمن حوله، أي celui qui fréquente une personne ou un groupe, il est touché par les pensées de cette personne ou de ce groupe, par son manhaj, par son comportement. Il est en danger. Même s'il connaît le haq, même s'il est à la haq, même si c'est pour les conseiller, ça peut lui faire beaucoup de mal. Pour les débutants, comme nous. Et فكم من الناس أرادوا النصح لفلان et à force de polémiquer, à force de fréquenter, à force de se mélanger, ربما الناصح يقع في الشبه لأن لا تظن أن أهل البدع كذلك لا يدعون إلى بدعهم وإلى فرقهم وإلى أئمتهم. فأنت تبع لابلي وحق إتا بنية، لكن peut-être que tu as des faiblesses في العلم. هو يبا appeler à sa jama'a, à son groupe, à son imam, à ses pensées. Et peut-être qu'il va te citer une chose. Shubha. Ça peut être te citer un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لكن expliquer avec la compréhension de son shir qui est un égaré ou de lui-même. عياذا بالله ساكوز دي شبه الانسان يكمبرون بلو وينحرف. فالسلامة لا يعدلها شيء. الانسان ولله الحمد إلام الحق يفيد دي زيفور بور سويفغ الحق فبخزر هذا الحق. تي با ريسبونسابل دي زوتر، لا تي ريسبونسابل دو توا ميم اي سو دون الله سبحانه وتعالى تا دوني المسؤولية. انت لست بمسؤول عن جميع المنحرفين ابدا. Tu peux montrer, montre, لكن sans te mélanger, sans polémiquer. Tu peux montrer sans te mélanger, sans polémiquer. Celui qui veut le haq, il sait où le trouver en général. لكن البعض, ils se font beaucoup de mal, لأنهم, ils pensent qu'ils ont une mas'ouliya, ils sont responsables des autres. Ils se mélangent avec un tel. فإذا نصحت, si tu le conseilles, اترك هذا, اترك فلان, احذر من الشبهة. Pardon, ils répondent, لكن si on ne montre pas, ils ne connaîtront pas le haq min هذا الكلام. As-salaf, il s'est écarté de أهل البدع. لا تظن أن المبتدع, il ne sait pas il est où le haq. والله كثير منهم, ils connaissent le haq. Et ils savent le haq, il est où, ils ont rejeté le haq. فلماذا il l'accepterait de toi. Tu trouves, بعض المسائل, comme on va voir aujourd'hui, مثلا الخروج على الحكام. طاعة ولي الأمر, c'est un أصل من أصول أهل السنة. كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة إلى سيدي هذا الأصل. كثير من أهل البدع انحرفوا بهذا الباب. Ils se sont égarés. Tu trouves le بعض يناقش هذه المسألة مع أهل البدع. Alors que العلماء ils ont écrit des livres. بل les versets du Coran ils sont clairs. Les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ils sont clairs. العلماء ils ont conseillé. Tu trouves un مبتدع من المبتدع عكس ça soit un خارجي, un إخواني, un معتزلي. Il rejette tout cela. Thumma wahid min ahl as-sunna lakin il est fi ghafla, il veut se mélanger à haoula pour les conseiller sur ce point, et à la fin c'est lui qui a des choubah. Il revient et il dit lakin tel gouverneur il a dit ça, c'est pas du kufr, lakin dans tel pays il y a eu telle chose, mais c'est du kufr. Thumma il commence à rentrer fi hadha al-bab wa yanharif. Il y en a celui qui s'égare fait هذا الباب باب الحكام ينحرف لأن ça أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا المبتدع il aurait voulu le حق, c'est sa شاهد, il l'aurait accepté من أهل العلم, بل il aurait accepté ما جاء في القرآن وفي السنة لكن المبتدع في البداية il te fait apparaître qui veut discuter معك لماذا لأن il cherche le haq. Si tu arrives à le convaincre, il va te suivre. Ne fais pas confiance à ahlul bid'ah wal inhiraf. Yakdhibun, c'est من الأوصاف اللازمة فيهم الكذب. Si il veut le haq, fais du'a pour lui qu'Allah lui facilite et ne te mélange pas à lui. Ihdhar. Et Cheikh Abd Salam, il a cité un asl vihada qu'on lira ensemble, Inch'Allah ta'ala, adhan al-asl al-tasi'a, na'am, munabadatu ahl al-bid'a wa al-tahdhir minhum. C'est usul, en haqiqa, ces fondements, ils sont liés. Qala rahmatullah alayhi, al-asl al-thamin, iltizamuna bima dalla alayhi al-kitab wa al-sunnah. وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا التزامنا أي on respecte et on suit les preuves qui sont venues في طاعة ولي الأمر أي l'obéissance au gouverneur. أدلة واضحة qu'on a déjà vu ensemble et qu'on reverra بإذن الله عز وجل. Cheikh Abd Salam ربما il en a cité. Il a cité quelques preuves هنا. أن يجب على المسلم طاعة الأمير. Bien sûr, في غير معصية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله وطاعة الرسول. Si ce ولي il appelle pas une معصية, font lui obéir. Et même s'il fait des ma'asi, comme ça y a-t-il ma'ana, incha'Allah ta'ala, fala ta'ata lah, l'an al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qala, innama ta'a fil ma'ruf, lakin, ça implique pas al-khuruj. Fa in asa Allah subhanahu wa ta'ala, fala yalzam min dhalik al-khuruj alayhi. Comme ça y a-t-il bayanuhu, bi'idhnillah. Qala, nahnu nasma'a wa nuti'a liulati amrina fi ghayri ma'asiyatin. ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم. فأولا لهم الطاعة في طاعة الله عز وجل, أما في المعصية فلا. ثانيا أننا لا نرى الخروج على الحاكم المسلم. الخروج c'est le fait de se rebeller, sortir contre le gouverneur même s'il a beaucoup de معاصي. Tant que ça reste un musulman, fala yajouz al-khuruj alayhi. Wal ulama naqalu al-ijma' ala hadhi al-masa'il. L'unanimité des savants, annahu la yajouz al-khuruj alayhi. Fala taghtar bi al-juhal. La taghtar bi al-mubtadi'a. La taghtar bi al-ikhwan al-muslimin qui appelle à se rebeller contre les gouverneurs et ils citent des choubah. Et ils citent la parole d'un tel et un tel pour légitimer leur qawl. Amma sunni wa ma ja'a fi al-Qur'an wa fi as-sunnah, ça lui suffit avec la compréhension des salaf. Qala wa nansahuhum hasb al-tariq al-shar'iyya bis-sidq wa ikhlas wa qawl an-nasiha sirran la siyama fi zaman al-fitan. Kadhalik anna as-sunni lamma yaqul annahu la yajuz al-khuruj 'ala al-hakim wa yajib ta'atuhu في طاعة الله عز وجل سبب بادر أنه يرضى بالمخالفات. لا, المخالفة هي المخالفة, المعصية هي المعصية, que ce soit الحاكم أو المحكوم qui fait cette معصية. لكن السني il a un comportement avec l'amir. لماذا؟ لأن الأمير il a une مسؤولية, il a une منزلة que les autres ils n'ont pas. Enfin, tu peux pas parler avec l'amir comme tu parles avec un مسلم من عامة الناس. فلهذا حتى النصيحة أي للأمير على طريقة. قال وقول النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن. فالنصيحة لولاة الأمور سر أي بين الناصح والأمير. فسيبا من السنة de conseiller الأمير أمام الملأ, que ce soit فوق المنابر, que ce soit à notre époque sur internet en écrivant des maqalat, et de le conseiller à même, c'est pas minas sunnah. لماذا؟ لأن Al-Amir, quand tu le conseilles, بينك وبينه, celui qui a le qudra bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui peut se rapprocher du Amir pour le conseiller, lakin ceux qui peuvent, فبينه وبين الأمير بإذن الله عز وجل سرا, ça peut être plus simple pour ce Amir d'accepter. أما أمام الناس, c'est plus compliqué. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريق الصحيح في النصيحة. Et on avait détaillé cette mas'ala, marra. On a vu le kalam Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. وَنَدْعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ فِي سِرِّنَا وَعَلَانِيَتِنَا لِأَنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحٌ لِلْعِبَادِ وَالْبِلَادِ. Dernier point, avant de passer au kalam d'après, كَذَلِكْ نَدْعُوا نَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُصْلِحْ حَالَهُمْ. لماذا لأن بالصلاح الأمير الصلاح المجتمع لأن سو أمير سيلي جدي. تعلمون أن الدعاء من أعظم أسباب الهداية كما نبي دعنا ندخل درس في تفسير سورة الفاتحة. سي أن سبب عظيم. بعض الناس إذا سيد شانجي لي شوز إي ديلس أهم الأسباب. مثلا يفو دي مخالفات منتشرة في المجتمع إي فيل شانجي لي شوز إي إيز أمبلوا دي ميثود كي فون بلوس دو مال que de bien. Et ils oublient هذه العبادة العظيمة, faire du dua pour lui. لأن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب دعاءك وهدى هذا الأمير, tout le monde va en profiter. لأن الأمير il va interdire telle chose, il va ordonner de faire telle chose, des choses qui sont en concordance avec الشريعة. الحمد لله الخير, il se propage. أما le critiquer, أين الفائدة؟ Appeler au خروج, أين الفائدة؟ Ça fait beaucoup de mal. Et ce qui s'est passé vu bilad les musulmans, et ce qui se passe dans certains bilad, c'est clair pour tout le monde. Lakin al-hawa. Ba'd an-nas al-khuruj qu'ils font, c'est pas pour le din. Abadan. Al-khuruj ba'd an-nas bal tous les rébellions qu'on voit à cette époque, c'est fondé sur l'hawa. Allah il se rebelle pas pour le din, abadan. كثير منهم يسربل pour la liberté ou pour dunya فقط. اما الحمد لله في كثير من بلاد المسلمين tu appliques ton din ولله الحمد, tu vas aller au masjid, tu vas au masjid, tu t'habilles comme un muslim, لا احد يمنعك. لكن الدنيا, c'est ça qui les a poussés au khuruj, ils se font beaucoup de mal. ثم البعض, ils essayent de couvrir هذا au nom du din. لكن الأمير إلى فتى الشوز الأمير إلى فتى الشوز الإمام إلى دم خلفات. فالعاقل يصلح نفسه أولا. هالسي موا je me corrige وأنت tu te corriges وفلان وفلان tout le monde se corrige. الحمد لله الحمد لله. Les choses, la plupart des choses, ça sera en concordance avec الدين. لكن البعض ils font aucun effort sur eux-mêmes ويطعنون في الأمير ليلا ونهارا. Alors qu'eux-mêmes, Rubama, ils font des choses plus graves que ce que ce Amir soi-disant il fait. Si c'est sahih. Qala, wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala lahum bis-salah wal-falah fi sirrina wa alaniyatina. Wa hadha ya ikhwan, on doit l'appliquer. Hadha, ça doit pas être une lecture dans les livres. Souvent dans les livres qu'on fait de l'aqida ou autre, naqra hadha, il faut faire du'a pour l'Amir. Lakin, il faut l'appliquer. Hadha fi sujoudik. N'oublie pas hadha. Fi sujoudik. D'ayam ou l'auqat, l'auqat, l'mathkoura fi sunnah, des moments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, Allah subhanahu wa ta'ala yastajib li da'i. Et tu fais hada du'a, Allah subhanahu wa ta'ala yuslih l'ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yahdi wulat l'umour, wa hakada. Si chacun de nous y fait du'a, ça yahsul khayr. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yujib da'wat al-da'i. قال ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم ونرى الجهاد معهم وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. نكره أو ننكر بلتو على من سبهم. Celui qui insulte l'amir, il le critique publiquement. Hada, il contredit la voix des salafs. On lui montre c'est pas ça la solution. Et on lui montre, c'est pas ça le shaja'a, c'est pas ça le quwwa. Ça, c'est en fait, c'est le wudwa'a. Il a une faiblesse à suivre la sunna et il a une faiblesse à se corriger lui-même. Enfin, il veut pointer les erreurs des autres. Hakada kullu dha'if. Vous avez remarqué que celui qui a une faiblesse, il accuse toujours les autres. Hakada kathirun minan nas. Ils ont des faiblesses, ils n'arrivent pas à avancer, ils accusent l'amir. Al-Amir walillahi alhamd, il t'empêche pas de travailler, il t'empêche pas de faire salat, il t'empêche pas de t'habiller comme un musulman, il t'empêche pas d'acheter des livres, il t'empêche pas de beaucoup de choses, fais des erreurs. Et celui qui a étudié, alladhi qara'a shay'an min tarikh salafina salih, il va s'apercevoir que on est dans une ni'ma. Cheikh Abd Salam, il va citer kalam al-alama al-Cheikh Abdul Latif rahmatullah alayhi, pour montrer comment les salaf ils ont patienté à l'Hajjaj ou à la ghayri. Bah, ils ont vécu des épreuves kabirah. Amma nahnu wallahi alhamd fi hadha az-zaman, dans beaucoup d'endroits al-khayr wa al-amn li hasil. Lakin ba'd an-nas, ils sont poussés par ahl al-bid'ah wa al-hawa. Vous avez remarqué que kathir minhum ils parlent que de ça. Al-khuruj wa al-mudaharat wa ou le masirat, il faut faire des marches, il faut faire des manifestations, il faut faire des grèves, il faut faire. Tout ça, c'est un bab khatir, jiddan. Et le haqiqa, c'est mad'oum. Al-kafara, il pousse à hada fi bilad al-muslimin. Pourquoi? Léanna, toutes ces manifestations, ça profite aux kafara, ça profite pas aux muslimin. Toutes ces rébellions qu'ils ont fait, ces révolutions qu'ils ont fait, le printemps arabe, comme ils l'appellent, elle est où le fa'ida pour l'umma islamiyya? Que du char, que des fitains. Est-ce que ça améliorer la situation de l'Umma? Et dans certains bilads, c'est clair. Beaucoup, ils ont dû se réfugier, ils ont dû partir. À cause de ces rébellions. Au départ, la révolution, c'est simple. Bardanas, ils pensent que c'est l'histoire d'un jour. Où il faut du changement. Là, quand ça dure, quand ils sont éprouvés, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de nourriture, كثير منهم بل أكثرهم ils regrettent. Là, c'est trop tard. لأن الكفر يتمكنون إلى ديفيز ثم أهل الشر يغنط et il y a des tueries, des attentats إلى آخره, et tu sais plus qui tu qui. كما جاء في الحديث أي لا يدري المقتول من قتله. Il ne sait pas pourquoi, on ne sait même plus pourquoi Fulan l'a été tué. Fitan. Un musulman, l'aqil, il réfléchit avant, il fait les choses pour améliorer. La rébellion, ce n'est pas une cause. Pourquoi c'est pas une cause? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de se rebeller contre le gouverneur. Il y aura un khayr, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait informé. Al-Muslim, al-Hakim al-Muslim, on n'a pas le droit. On a une autre solution, ad-du'a. Est-ce que cette solution, elle peut marcher? Chaque musulman, il va répondre, na'am. Léan Allah sallallahu alayhi wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Allah il dit, invoquez-moi, je vous réponds. On l'invoque, un Allah, il guide nos gouverneurs. Pourquoi il ne répondrait pas? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la solution elle est kada. Et ils ont un sourd van billahi azza wa jalla. Mais celui qui a un husnu van, il n'a aucun doute. Et si les choses elles sont comme ça, c'est parce que on le mérite. Si chacun il se réforme, il se change, il fait dua, il yasbir, et il essaie d'améliorer les choses, inshallah ça yahsoul al khayr. قال وهنا انقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم في الدرر السنية. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة, فتنة أبناء فيصل رحمة الله تعالى عليه وعليهم. قال هكذا الواجب de revenir à أهل العلم. هذا يرحمك الله, هذا الإمام الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه, il va conseiller هؤلاء, لأن ça arrive de pas comprendre, ou les choses elles se mélangent, ça arrive, هذا on est des êtres humains. لكن الموفق c'est celui qui demande النصيحة à أهل العلم, et il lui montre بالأدلة. قال الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه, ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دها بها الشيطان كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين. مسلم عياذا بالله il fait tout pour diviser الجماعة, Jama'at al-Muslimin. Les musulmans, ils ont un gouverneur. Ils le respectent. Ils obéissent fi ta'atillah. Et ils patientent. Là, chaque, il y a des manquements, il y a des péchés, il y a des choses là qui n'y yasbiroun. Et ils essayent de régler les choses à turuq al-mashru'a. Et tu trouves wahid, il fait tout pour diviser ce groupe. L'imam Ali al-Shaytan, il le pousse. ويوجب الاختلاف في الدين وما ذمه الكتاب المبين ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين ويفضي إلى منع الزكاة وتأجيج نار الفتنة والضلالات هذا من ثمرات الخروج الخروج ça va avoir des fruits عياذا بالله qui sont très très mauvais. منع الزكاة, plus personne sort la zaka, des fitnes, des meurtres, des tueries. Les prix, ils montent. Il n'y a plus de sécurité. Tu ne peux plus faire le hajj, tu ne peux plus faire l'umrah. Comme min masalih qui disparaissent et c'est remplacé par des mafasid. Pourquoi tout ça? L'aqil se pose la question et la réponse, elle est claire. Qala, fatalattafa ash-shaytanu fi idkhali hadhihi al-makida wa nassaba laha hujajan wa muqaddimat. Shaytan, il égare kathir min al-muslimin bi hadhihi al-mas'ala. Aïe, obtan fi wali l'amr. Shaitan, il lui fait croire, en tu veux défendre le din, regarde, tel gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas te taire alors qu'il fait telle chose. Alors que Shaitan lui-même, c'est un kafir, adoullah, lakin, il veut égarer hada shakhs. Qala wa muqaddimat wa awhamahum anna ta'at ba'd al-mutaghallibin ay min al-hukam fima amara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min wajibat al-imam wa fima fihi daf'un an al-islam. وحماية لحوزته لا تجب والحالة هذه ولا تشرع شبهة سيد شبهة أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام تعلمون أو بعضكم يعلم أن الحكم يكون لشخص ما أي une personne elle peut prendre le pouvoir بإذن الله عز وجل de plusieurs façons إما الأمير il désigne après lui. Amirun yaqul anna ba'di fulan insha'Allah yakun huwa al-amir. Comme ça arrivait, Abu Bakr, il a désigné Omar, radiyallahu anhu. C'était afdal al-umma après Abu Bakr, donc Omar s'est devenu al-amir. Ça c'est une tariqa mashru'a. Une deuxième tariqa qui est mashru'a كذلك, al-shura, la consultation. Kama hasala fi زمن عثمان رضي الله عنه. Quand عمر رضي الله عنه il a été poignardé, avant de mourir il a désigné 6 من الصحابة رضي الله عنه pour choisir un d'entre eux amir. ولله الحمد ils ont choisi عثمان. Ça s'appelle شورى. Et vous avez remarqué ça n'a rien à voir avec l'intikhabat comme العلماء ils ont démontré كثيرا. لأن الانتخابات أصلها من الكفرة من أعداء الله. أما الشورى فمذكورة في القرآن والسنة. الشورى كذلك الذين يختارون هم أهل الحل والعقد العلماء العقلاء. La consultation الشورى, ceux qui choisissent c'est les gens de science, c'est العقلاء. عمر il en a désigné 6. الانتخابات c'est tout le monde qui vote. الجاهل الفاسق المفسد الكافر المنافق tout le monde vote. Et la voix du salih, c'est comme la voix du fasiq, il n'y a aucune différence. Ça, c'est minat dhulm. Et les ulama, ils ont détaillé ça et on l'a expliqué. Donc, la première façon, c'est que le premier amir, il désigne son successeur. La deuxième, ashura, la consultation. La troisième, c'est que wahid, il prend le hukm, biquwa, bil ghalaba, comme hasala kathiran. Ça arrivait beaucoup dans l'histoire. Anna wahid, de force, il prend le hukm, il se rebelle et il arrive à prendre le hukm. Thumma, ça devient lui l'amir. Tout le monde lui obéit. Fihad al-hal, ça devient amir. Même si la façon dont il a pris le hukm, c'est pas légiféré. Lianna al-ulama yandurouna ila al-maslaha. Fa ça devient l'amir. Et l'ulama, ils lui font le bay'a et on lui obéit fi ta'atillah. Et le mal qu'il a fait, l'injustice qu'il a fait, il rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu, on lui obéit. On revient à l'an. Pourquoi on a cité ces trois points? Ils avaient une choubha à l'époque de Cheikh Abdul Latif. Celui qui a pris le hukm de force, on ne doit pas lui obéir. Vous avez compris l'an, la choubha. On doit voir les bid'a. Ils disent, n'am, amma, si c'est un amir qui a été désigné auparavant, tayyib, on lui obéit. Si c'est un amir, il a été choisi. Mais choura, on lui obéit. Amma, le mutaghallib, fala. Il y en a, il a été injuste et il a pris le hukm de force, on lui obéit. Pas, c'est une choubha. Allah subhanahu wa ta'ala, قال, ya ayyuha alladhina amanu wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa uli l'amr minkum. C'est devenu l'amir, c'est un amir. Même si la façon, elle était bi al-quwa wa al-ghalab. قال الشيخ عبد السلام فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه أي حالة الفتن ولا تشرع. Donc la choubha c'est ça. أن on n'a pas à obéir si c'est un gouverneur qui a pris le pouvoir de force. ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاش عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام. أولا les appelés مفتونون. صحيح. Celui qui pense qu'il ne faut pas obéir à tel gouverneur, c'est un مفتون. فتن في دينه عيادا بالله. Pourquoi Cheikh Abdul Latif يقول أن depuis l'époque de Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya, c'est le fils de Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya, Sahabi al-Jalil, son fils Yazid. Et jusqu'à, dans beaucoup d'endroits, les gouverneurs, ils faisaient des adha'im, des jara'im, des choses très très graves. Pourtant, est-ce que Salaf, malgré cela, ils se sont rebellés ou ils ne leur ont pas obéi? La question qu'on se pose, est-ce que ceux qui sont venus après, ils sont mieux que Salaf? On doit étudier le comportement qu'ils avaient Salaf. On va voir à l'époque de Al-Hajjaj. Il y avait encore des sahabes. Abdullah ibn Omar, il était encore vivant, radiyallahu anhu. On regarde son comportement. Houa, il a vécu la révélation. C'est un des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, sahaba ajma'in. Et on va retirer al-munhaj al-sahih. Comment faire? Amma al-hawa, les faiblesses, al-infi'alat, wa hadi se contrôle plus, wa yassub, wa al-khuruj, wa les révolutions, hatta balagha bil-ba'd annahum, ils se brûlent. Dans les dernières révolutions, Annalbar, il se brûlait. Et pour montrer son mécontentement, Yahlek, ou Yahlek Nafsa, Biyadeh. Tout ça pourquoi Allah, il n'est pas d'accord. Iyadam Billah. Qala, ou al-khuruj, ou al-fasad, fi wilayati ahli l'islam, wa ma'a dhalik, fasiratul a'imma al-a'lam, wa sadatul idam, ma'ahum ma'roufa, mashhura. Fata'ammalu hadhi l'fa'ida. Tu as une situation. تنظر حال السلف لأن السلف ils ont vécu هذا avant بل ils ont été éprouvés أكثر surtout à l'époque de Al-Hajjaj. قال لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وواجبات الدين أي ils obéissaient في طاعة الله عز وجل أي se rebellaient pas. قال ثم ضرب لذلك أمثلة فقال أي الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه وأضرب لك مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء. ظالم ستان ظالم كم قتل من الأبرياء من العلماء إلى في beaucoup de mal. لكن تأمل موقف الصحابة qui est encore présent والأئمة قال وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير. Il a tué سعيد بن جبير. سعيد بن جبير c'est من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Un des grands élèves de عبد الله بن عباس, le cousin du prophète صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير il a été assassiné par Al-Hajjaj. وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف. عبد الله بن الزبير quand il a eu la fitna, il s'est retranché via Al-Haram, Abdullah ibn Zubayr, Al-Sahabi al-Jalil. Son père, c'est Al-Zubayr. Al-Min al-Ashara al-Mubashari n'est al-Jannah. Son père, c'est, il faisait partie des 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé le Jannah alors qu'ils étaient vivants. Al-Zubayr. Il s'est marié avec Asma, la fille d'Abu Bakr. Donc Zubayr, c'est le fils. Son grand-père, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Et son père, c'est Al-Zubayr. Sa mère, c'est Asma. Il s'est retranché via le Masjid al-Haram. قال واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطى الطاعة وبيعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق مع أن عبد الله بن الزبير voulait lui faire Atta, il voulait lui faire le bay'a, et il voulait lui obéir, et il voulait revenir. Lakin qatala. Qala, wal-hajjaju na'ibun an Marwan. Al-hajjaj, ce n'est pas le grand amir c'était Marwan. Lakin, al-hajjaj, c'était le gouverneur de telle contrée. ثم عن ولده عبد الملك ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوق طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته ما هذا العلماء أطاعوه ils ont obéi في طاعة الله et ils n'ont pas appelé au خروج. قال وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. عبد الله بن عمر il était vivant رضي الله عنه il a assisté à tout cela. مع هذا كان يطيع الحجاج. C'est ça le موقف الصحيح. هكذا ils ont préservé الأمة. أما se rebeller et au lieu qu'il y a 2 morts ou 10 morts, il y en a des milliers ou des dizaines de milliers ou أكثر. فأليوا الفائدة لكن الصحابة رضي الله عنهم والسلف يزت على علم يسوي بالهوى نحن الآن في une époque y a pas beaucoup d'ilm et y a beaucoup de hawa فلهذا الآن واحد أو بعضهم ي comprend pas tout cela il fait tout cela الأمير et on doit se taire نعم فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع أي écoute et obéis ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. Même s'il prend ton argent et il te fouette, tu écoutes et tu obéis et tu ne te rebelles pas. Et ton haq, tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sunnah. Qala, wa kadhalik man fi zamanihi min at-tabi'in, kabn al-musayyib, wal-hasan al-basri, wa ibn sirin, wa ibrahim al-taymi, wa shubayihim, wa nudara'ihim, min sa'adat al-umma. Haoula, c'est a'immatu l'islam. Sa'id ibn al-musayyib. Il était marié avec la fille d'Abu Huraira radiyallahu anhu. L'uqiba bi imam al-tabi'in. C'est min afdal al-a'imma à son époque. Al-Hassan al-Basri, ma'rouf al-Iraqi. Il est en Irak. Imam al-Kabir. Ibn Sirin, c'est un grand imam. Ha'oula, ils ne se sont jamais rebellés. Amma ibn al-Ash'ath. On avait expliqué sa qissa. Fi sharh al-usul al-sita ma'a ba'd al-ikhwan. Annahu ijtahada. Et il a voulu se rebeller contre le Hajjaj. Et certaines personnes ils l'ont suivi. À cette époque, ils ont fait beaucoup de mal à leur nefs et à d'autres. Le Hajjaj, il les a qatalahum. Alors que le Hajjaj, yadhkuruna, ulama ou tariq, annahu, il combattait beaucoup le kafar. Avec tout le zulm qu'il avait, il détestait le kuffar. Il les combattait kathiran. Avec cette fitna, fitna ibn al-Ash'ath, elle est connue, l'imam Mukathir, il a cité le Bidaya ou le Nihaya. Al-Hajjaj, pendant une longue période, il a arrêté de combattre Al-Kafara. Et il a combattu l'armée de Al-Ash'ath, Ibn Al-Ash'ath, et ceux qui étaient avec lui. Et il y a eu des milliers de morts, des musulmans. Amma ha'oula al-a'imma, ils ont su la gravité. Et ils se sont écartés de le fitna. Et ils ont toujours appelé à obéir au gouverneur et à s'écarter de Al-Khuruj. Falihada al-Imam ibn Kathir, rahmatullah alayhi, quand il a cité l'histoire d'Ibn al-Ash'ath et tout le mal qu'il y a eu, il a conclu anna Ibn al-Ash'ath, il a fait une erreur très très grave. Et il s'est fait du mal. À la fin, qatala nafsa, il a dû se sauver. Ibn al-Ash'ath, il a combattu l'armée de. Ou al-Hajjaj, il a combattu l'armée d'Ibn al-Ash'ath. حتى قتلهم لأن il avait le sultan معه et ils se sont sauvés, ils se sont dispersés, والله المستعان. حتى ابن الأشعث il a dû se sauver عند الكفرة الترك à l'époque, les Turcs, c'était pas encore des musulmans. Et الحجاج ابن يوسف il a menacé les Turcs أنهم si ils livrent pas ابن الأشعث il les combat. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont livré ابن الأشعث. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ou a lâché? Bel, al-Musiba, al-Nabn al-Ash'ath, quand il a été, comme al-Dakar ibn Kathir, quand ils l'ont livré, l'atrak, d'un endroit pour l'emmener, inda al-Hajjaj ibn Yusuf, il a profité d'une rafla des gardes, et les gardes qui voulaient le livrer, et qatala nafsa, il s'est jeté d'un endroit élevé et mat. Il savait annahu, law ibn al-Hajjaj ibn Yusuf, il arrivait à voir Ibn al-Aj'at en face de lui, Allahu a'lam qu'est-ce qu'il allait lui faire. Il était connu pour le zulm. Qu'est-ce qu'il a gagné? Wala shay. Est-ce que Al-Hajjaj il a perdu sa place? Abadan. Je t'aperçois anna al-a'imma ils ont nour et ils voient les choses de loin. Amma al-ba'd il se précipite, il faut changer là. Al-a'imma ils ont patienté. Est-ce que Al-Hajjaj il est mort? Il est mort. Il va mourir, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et il est mort, walillahi l'hamd. Hakada al-a'imma yasbirun, lakin al-juhal yasta'jilun, ils se précipitent. Wala yasbirun. Et ils ne connaissent pas al-maslaha min al-mafsada. Qala rahmatullah alayhi. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر. البر ça vient de البر أي الصالح أو الفاجر. الفاجر ça vient de الفجور أي الفسوق. أي que ça soit un أمير qui est à la طاعة أو à la معصية. On lui obéit في طاعة الله. لأن لي أبيغ يدو خير لي أبيغ يدو مفسدة pour الأمة كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف أي après la période بني أمية بنو العباس ils ont repris الحكم de بني أمية et المسلمون اللي غن أبي قال فلم يساعدهم احد من اهل العلم والدين وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني اميه وامرائهم ونوابهم وقتلوا ابن هبيره امير العراق وقتلوا الخليفه مروان حتى نقل ان السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني اميه. Quand il y a eu al-fitna entre بنو العباس et بنو اميه, en un jour, Wahad min Bani al-Abbas, il a tué 80 min ceux qui avaient le pouvoir avant, Ibn Umayya. 80 fiyoum min Wahad. Qala fa wada'a al-furush 'ala juthatihim wa jalasa 'alayha wa da'a bil mata'im wal mashari. Qala wa ma'a dhalik fasiratul a'imma. Al-an cette période, il y avait des grands imams, il va les citer. C'était quoi leur mawqif? Est-ce qu'ils se sont rebellés? Est-ce qu'ils ont dit là, on n'obéit pas à Bani al-Abbas? Anahum, ils se sont rebellés contre Bani Umayya, fala ta'ata lahum. Hakad al-Sunni, hakad al-Muslim, il doit réfléchir. Amma al-Hawa. Et les principes de Al-Kafara. Al-Kufar, ils ont un principe, il ne faut jamais être d'accord. Da'iman, il faut demander. Da'iman, des manifestations, il faut se rebeller. Ils ont été éduqués hakad. Amma nahnu, on est des muslimoun. On a un kitab, walillahi alhamd, on a sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa ma'a dhalik, fasiratul a'imma, kal awza'i. Awza'i, c'était imam ahli al-Sham, fi zamane, imam kabir. Qala, wa malik, al-imam Malik ibn Anas, imam dar al-Hijra, c'était l'imam de al-Madina. Qala, wa al-Zuhri, al-Zuhri, c'est le sheikh de l'imam Malik, imam kabir fi al-Din. والليث بن سعد إمام أهل مصر à son époque. En Égypte, c'était leur imam, c'était la référence. Tout cela vivait à une même époque الآن. وعطا بن أبي رباح إمام أهل مكة. C'était l'imam, la référence في مكة. قال مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. Est-ce que هؤلاء واحد منهم il a appelé à الخروج أو il s'est rebellé? أبدا. لي كتب الاعتقاد كالشريعة الآجر والإبانة للإمام نبطة رحمة الله عليه ست بآثار جميلة في هذا الباب. لكن تأمل قول الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. Celui qui fait des efforts في العلم qui recherche c'était quoi la position des salaf il connaîtra هذا. المشكلة الآن on vit dans une époque أن كثيرا من الناس ils connaissent rien de السلف et تأثروا بأعداء السلف et ils ont des principes de démocratie, de laïcité, de toutes ces مصائب et عيادا بالله ils sont manipulés. وإلا celui qui revient à كتب أهل العلم كتب السلف المسألة واضحة جدا. قال والطبقة الثانية من أهل العلم أي une génération de savants qui est venue après Haoula, après Tabaqat l'imam Lawza'i ou Malik ila akhiri. Ka Ahmed ibn Hanbal ou Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail ay al-Bukhari rahmatullah alayhi, sahib al-sahih. Wa Muhammad ibn Idris al-imam al-Shafi'i rahmatullah alayhi. Wa Ahmed ibn Nasr wa Ishaq ibn Rahawai wa ikhwanihim. Ishaq ibn Rahawai qarinu al-imam Ahmed. Il était à la même période que l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. ووقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم على الوقت ده الإمام أحمد رحمة الله عليه ومن ذكر من أهل العلم une grande fitna في إنكار الصفات. On avait expliqué ولله الحمد dans la kalima qu'on a fait sur sur Ba'd Ahl al-Bida' min al-Firaq, an hadha al-fikr fikr al-Jahm ibn Safwan wa kadhalik al-Mu'tazila qu'on verra qariban insha Allah ta'ala, il est rentré à la Ba'd al-Umara ay inkar as-sifa fa qalu an al-Qur'an makhluq wa laysa bi kalam illah. C'est une bid'a khatira, c'est du kufr billahi azza wa jal. Celui qui dit al-Qur'an il est makhluq, c'est du kufr. السلف كفروه. مع هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه وإخوانه أهل العلم ils ont jamais appelé au خروج contre le مأمون أو ceux qui sont venus après lui. مع أن أحمد بن نصر il a été tué. الإمام أحمد بن حنبل il a été fouetté, emprisonné. وكثير من العلماء ils ont subi ce qu'ils ont subi. ولا أحد منهم il a appelé au خروج. Pourtant les égarements de ce gouverneur, c'était fi al-siba, fi al-aqida. Al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, zolim. Il a été en prison, il s'est fait fouetter. Malgré tout cela, il n'a pas appelé au khuruj. Limada? Li'anna ha'oula al-a'imma, il regarde al-maslaha. Falihada dhukira fi sirati l'imam Ahmed, fi al-mihna, annahu, quand il était en prison, kana ya'ti ba'd al-nas, certaines personnes, ils venaient ziyara, et ils lui demandaient une fatwa. A une fatwa fil khuruj. Et il lui expliquait, ya imam, tous les gens ils sont ma'ak. En Irak, ils n'ont pas accepté que l'imam Ahmed il était connu indahum. Ah, l'imam Rajoun Salih, annahu il est emprisonné et fouetté, alors qu'il n'a rien fait de mal. Fakathirun minhum, il venait voir l'imam Ahmed et il lui demandait une fatwa. Il lui disait, ya imam, kalima. Kalima, et on enlève ce amir. Et tout le monde va sortir. Fil Basra, wa fil Baghdad, wa fil Irak. Et dans d'autres bilad, rubbama. Lakin l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, kana yaqul ad-dima, ay dima al-muslimin. Il pensait au le sang qui va être versé. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, yanzur al-maslaha. Il sait très bien que s'il y a un khuruj, l'amir, il ne va pas partir à hakada. Et ceux qui vont mourir, c'est le musulman. Et l'armée du amir, c'est des musulmans. Et le peuple qui va sortir, c'est des musulmans. Et des milliers de morts. Al-Imam Ahmed, il leur montrait as-sabr. Il a patienté, rahmatullah alayhi. Al-Ma'moun, il est mort. Thumma al-Mutawakk, ou qabla dhalika al-Mu'tassim, il est mort. Thumma al-Wathiq, il est mort. Ça, c'est de père en fils. Au kul wahid, il fouette l'imam Ahmed et il est toute cette brède, il est en prison. Hatta farrajallahu anha bil-Mutawakkil. Amirun, le quatrième qui est venu, il était à la sunnah. Il a libéré l'imam Ahmed et il lui a laissé faire da'wa ou antashara al-khayr. Ndurou sabr al-a'imma. L'imam Ahmed, il a préféré souffrir houa et la umma l'est préservée. Ou al-faraj, ça y est, il y en a les épreuves, ça reste pas. Année après année, il est resté en prison, rubbama deux ans, fima athkur, ou aqala ou akthar, et thumma il est sorti, Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi. On revient à notre époque. Est-ce que le khuruj, il est pour libérer un imam de la sunnah? Ou le khuruj, il est pour propager l'aqida salaviyya? Ah, ben, le khuruj, c'est pour les prix qui montent, pour la liberté et pour dunya. C'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a aucune baraka. Qala, rahmatullah alayhi, wa ma'a dhalik, fala yu'lam anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'a wa la ra'a al khuruj alayhim. Sabaru. Hatta cette fitna, alhamdulillah, elle est passée. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب أي الشيخ عبد اللطيف إلى conclure قال فإن حاك في صدرك شيء ف أكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة. نصيحة جميلة. لأن الإنسان il est pas à la voie. Cheikh Abdul Latif, il conseille Haoula, si dans ton sadr, dans ton cœur, tu as encore quelque chose contre les gouverneurs et tu penses que c'est de l'injustice, il faut se rebeller. Aïe, les choubes de Al-Khawarij. Faqala, faakthir min at-tadarru'i ila Allah. Reviens à Allah Azza wa Jal. Fais du dua, en Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre, il te facilite pour comprendre. Et ça, c'est important. Wa ahyana naghfal. Quand tu as une fitna, une mas'ala que tu n'as pas comprise, une chose, tu as des doutes, tu ne sais plus, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayk. Et tu comprendras. Qala wa karrir an-nazar fi ma ishtamala alayhi tariikh Ibn Ghannam min kalam Sheikh al-Islam. Ibn Ghannam, rahmatullah alayh, il a écrit un livre. Il est venu après Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi. Et il a écrit un livre sur At-Tarikh, Tarikh Najd, Fima Athkur. Al-Muhim, c'est un des livres d'histoire. Enfin, il lui conseille de revenir à Hada, l'Imada, pour savoir la position des imams de la Sunna. Wa hakada nahnu. Parce que tafadna deux choses quand il y a une fitna. Que ce soit fitna al-Khawarij ou autre. Deux choses. الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أولا تب إلى الله في الدعاء أكثر من الصلاة والسجود يدمد الله سبحانه وتعالى كي تفاسيليت pour comprendre. ثانيا revient à أهل العلم السلف والمعاصرون أي comment ils se comportent. Si on revient pas à أهل العلم ربما on va parler avant eux, ربما on va faire une chose qu'ils n'ont pas faite et c'est un باب d'égarement. قال يعني أو نعم يعني محمد بن عبد الوهاب فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطاته رحمة الله عليهم أجمعين. فكلام جميل. الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه كما ذكر في الحاشية إلى دي كتب طيبة في هذه المسألة إلى تخوى رسائل. الأولى معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكلام للستي في الحاشية عندكم أي الأصل الثامن la première page qu'on a lu. Il a trois رسائل. La première معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. C'est une رسالة نافعة جدا. أي comment se comporter avec les gouverneurs. Tout ça avec des preuves du Coran et de la Sunna. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أثنى على هذه الرسالة. Une deuxième رسالة عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام. أي كذلك c'est le même sujet. Et l'aqida des musulmans sur leur obligation envers l'imam. On a des obligations. Et comment on doit se comporter ? هذه الرسالة في الحقيقة c'est un résumé de la première. La première là, c'est long qu'il la résume. Et c'est cette رسالة inshallah ta'ala qu'on étudiera ensemble prochainement. وبالله التوفيق. La troisième, والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. كذلك une troisième رسالة les résumés, l'obligation de s'accrocher à la jama'a et de s'écarter de la division. Et كما قال بعض أهل العلم لا جماعة إلا مع إمام. Il n'y aura pas de jama'a sans imam. Il y en a une jama'a où il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de gouverneur, c'est plus une jama'a. هذا il va faire une chose, l'autre il va le contredire. أما بالإمام فينضبط تنضبط الأمور. هذا. On a déjà traité ce sujet. Et lire cette risale qu'on a citée de Cheikh Abdel Salam, c'est مهم. السني دائما il doit étudier ces مسائل. Les علماء في كتب العقيدة, que ce soit الواسطية أو الطحاوية أو autre. ولله الحمد العلماء في كتب الاعتقاد السيد دائما سباب أي طاعة ولي الأمر فسه أصول من أصول أهل السنة فمن خالفه وافق الخوارج عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.